Chapitre 15. Le surlendemain, on reçut des nouvelles de Mr. Pendrill. La résidence de Michel Vanstone sur le continent venait d'être découverte. Il habitait Zurich, et dès le jour où on s'était procuré ce renseignement, l'avocat y avait fait passer une lettre à son adresse. On pouvait s'attendre à recevoir la réponse dans le cours de la semaine suivante, et la substance en serait immédiatement communiquée aux dames de Combraven. Si bref qu'il fût, cet intervalle passa difficilement. 10 jours s'écoulèrent avant qu'on reçût la réponse attendue, et lorsqu'enfin elle arriva, il se trouva que ce n'était pas une réponse dans le sens rigoureux du mot. Mr. Pendrill était simplement renvoyé à un homme d'affaires de la capitale, pourvu des instructions de Michel Vanstone. Relativement à ces instructions, certaines difficultés avaient été soulevées, d'où la nécessité d'écrire encore à Zurich, et pour le moment, la négociation en restait là. Un second paragraphe, dans la lettre de Mr. Pendrill, renfermait des détails entièrement nouveaux. Le fils de M. Michel Vanstone et son unique enfant, Mr. Noel Vanstone, récemment arrivé à Londres, y partageaient le logement de son cousin, Mr. George Bartram. Des considérations professionnelles avait engagé Mr. Pendrill à lui faire une visite. Il avait été très poliment reçu par Mr. Bartram, mais ce gentleman l'avait, en même temps, informé que son cousin était pour le moment hors d'état de recevoir qui que ce fût. Mr. Noel Vanstone luttait, depuis quelques années, contre une sorte d'épuisement chronique. Il n'était revenu en Angleterre que pour prendre les conseils des médecins les plus en renom, et son voyage l'avait tellement éprouvé qu'il avait dû s'aliter. Dans de telles circonstances, Mr. Pendrill n'avait évidemment qu'à prendre congé. Une conférence avec Mr. Noel Vanstone aurait pu lever quelques-unes des difficultés relatives à l'interprétation des volontés de son père. Dans l'état des choses, il n'y avait d'autre ressource que d'attendre pendant quelques jours encore. 7 jours se passèrent, journées de solitude et d'anxiété. Enfin, une troisième lettre de l'avocat annonça la conclusion, si longtemps ajournée, de toute cette correspondance. La réponse finale était arrivée de Zurich, et Mr. Pendrill viendrait en personne à Combraven, dans l'après-midi du lendemain, pour en donner communication à ces dames. Le lendemain était un mercredi, le 12 d'août. Dans la nuit, le temps avait changé. Le soleil se leva parmi des brouillards et des nuages. Vers midi, un voile humide était étendu sur tous les points du ciel. La température s'était sensiblement refroidie et la pluie tombait, tiède, lourde, continue, sur la terre altérée. Vers 3 heures, Miss Garth et Nora vinrent attendre, dans le petit salon, l'arrivée de Mr. Pendrill. Elles y furent, peu après, rejointes par Magdalen. Une demi-heure ne s'était pas écoulée lorsque le bruit familier du crochet de fer retombant sur son anneau leur apprit qu'on franchissait le seuil de la palissade élevée à la limite des bosquets. Mr. Pendrill et Mr. Clare parurent bientôt, se donnant le bras et abrités sous le même parapluie. Quand ils passèrent devant les fenêtres, l'avocat salua. Mr. Clare marchait droit devant lui, perdu dans ses pensées, ne prenant garde à quoi que ce fût. Après un délai qui parut interminable, après que les nouveaux arrivés eurent tout à loisir essuyé sur la natte du vestibule leurs pieds humides, après un mystérieux échange de questions et de réponses fait à voix basse derrière la porte, les deux personnages entrèrent, Mr. Clare le premier. Le vieillard marcha droit à la table, sans aucune formule de salutation, et dans le regard qu'il jeta sur les 3 femmes groupées là, une austère pitié pour elles se manifestait clairement. « Mauvaise nouvelle, » dit-il. Je n'aime pas à tenir inutilement les gens en suspens. Dans des circonstances comme celle-ci, c'est bonté que d'aller droit au but. Mon intention est d'être bon et par conséquent, je vous dis tout net, les nouvelles sont mauvaises. » Mr. Pendrill le suivait. Il échangea un serrement de main silencieux avec Miss Garth et avec les 2 sœurs. Puis, il s'assit auprès d'elle. Mr. Clare alla se placer tout contre la fenêtre sur un fauteuil isolé. Les grises lueurs d'un ciel pluvieux éclairaient tristement les visages de Nora et de Magdalen assises en face de lui. Miss Garth s'était placée un peu en arrière d'elle, à moitié perdue dans l'ombre, et tout à côté de Miss Garth se voyait de profil la calme figure de l'avocat. C'est ainsi que se montraient à Mr. Clare les quatre acteurs de cette scène, à part desquels il restait dans son coin, ses longs doigts entrelacés sur son genou comme les serres d'un oiseau de proie, ses yeux noirs fixés alternativement avec une active curiosité, tantôt sur un visage, tantôt sur l'autre. Le bruit de la pluie sur les feuilles, le tic-tac régulier, incessant de la pendule, donnait quelque chose d'accablant à la minute de silence qui suivit l'instant où chacune des personnes présentes fut installée à sa place. Toutes éprouvèrent un véritable soulagement quand Mr. Pendrell prit la parole. « Mr. Clare vous a déjà dit, commença-t-il, que je suis porteur de fâcheuses nouvelles. Vos inquiétudes, Miss Garth, lors de notre dernière entrevue, étaient, je le reconnais à regret, mieux fondées que mes espérances. Ce frère aîné reste encore, en son vieil âge, ce qu'il fut dans sa jeunesse, un homme sans cœur. Habitué, comme je le suis malheureusement, à ne voir la nature humaine que sous ses pires aspects, je n'ai jamais rencontré un homme aussi absolument étranger à toute idée de pitié que l'est ce misérable Michel Vanstone. Devons-nous comprendre qu'il se saisit de tous les biens de son frère, sans pourvoir en rien à l'existence des enfants de son frère ? Demanda Miss Garth. Il offre pour les premiers besoins une somme d'argent, répliqua Mr. Pendrell, mais si misérablement insuffisante, si limitée par de vils calculs, que j'ai vraiment honte d'en parler. Et rien pour l'avenir ? Absolument rien. Sur cette dernière réponse, la même pensée, au même moment, traversa l'esprit de Miss Garth et celui de Nora. La décision qui frappait également les deux sœurs en les privant de toute fortune n'en restait pas là pour la plus jeune des deux. L'implacable résolution de Michel Vanstone enfermait virtuellement une sentence qui forçait Frank à partir pour la Chine et ajournait indéfiniment le mariage de Magdalene. Aussi, quand les derniers mots de l'avocat furent sortis de ses lèvres, Miss Garth et Nora jetèrent un regard inquiet du côté de Magdalene. Le visage de celle-ci devint plus pâle, mais pas un de ses traits ne bougea. Elle ne laissa pas échapper une parole. Nora, qui tenait dans sa main la main de sa sœur, la sentit frémir un moment, puis devenir très froide, et ce fut tout. « Laissez-moi vous dire simplement ce que j'ai fait, » reprit Mr. Pendrell. « J'ai à cœur de ne pas vous laisser l'idée que j'ai rien omis dans mes efforts en votre faveur. En écrivant ma première lettre à Michel Vanstone, je ne m'étais pas borné à un simple exposé de faits, ce qui eût été conforme à l'usage. Je plaçais sous ses yeux, en termes simples et graves, toutes les circonstances par suite desquelles la fortune de son frère lui est échue. Lorsque j'eus reçu sa réponse, qui me renvoyait à des instructions écrites déposées à Londres chez son agent, et lorsqu'une copie de ces instructions m'eut été remise, je refusai positivement, après en avoir pris connaissance, d'accepter comme définitive la décision qu'elle renfermait. J'obtins de l'agent en question qu'il nous accorda encore un délai. J'essayai de voir à Londres Mr. Noel Vanstone afin d'obtenir son intercession, et n'y pouvant réussir, j'écrivis moi-même pour la seconde fois à son père. Par sa réponse, conçue en termes d'un laconisme presque insolent, il se référait aux instructions qui m'avaient déjà été communiquées, déclarait qu'on n'avait pas à y revenir et refusait de correspondre plus longtemps avec moi sur le même sujet. Ainsi commença, ainsi finit cette négociation. Si j'ai négligé quelque moyen de toucher ce cœur impitoyable, veuillez me le signaler. Je ne demande pas mieux que d'en user, s'il en est temps encore. » Son regard interrogeait Nora, serrant pour l'encourager la main de Magdalene. « Je parlerai pour ma sœur comme pour moi, » dit-elle rougissant légèrement et laissant planer une ombre de tristesse résignée sur cette douceur qui lui était naturelle. « Vous avez fait, Monsieur Pendrell, tout ce qu'il y avait à faire. Nous avons tâché, de notre côté, de ne point nous livrer à des espérances prématurées. Et nous sommes d'autant plus reconnaissantes de vos bontés qu'en ce moment nous avons l'une et l'autre grand besoin de rencontrer de bonnes âmes. » La main de Magdalene avait répondu à celle de sa sœur, ensuite elle la retira, dérangeant brusquement quelques plis de sa robe, quelques accessoires de sa toilette, puis, tout à coup, approcha le fauteuil de la table. S'y accoudant et la main fortement crispée, Magdalene regarda Mr. Pendrell. On ne pouvait contempler sans une sorte d'effroi Dans sa pâleur exsangue, cette figure en général remarquable par l'absence de toute animation. Mais la clarté de ses grands yeux gris était aussi brillante, aussi fixe que jamais. Et sa voix, bien qu'elle parlât très bas, avait un accent net et résolu quand elle s'adressa ainsi à l'avocat. « Si j'ai bien compris, monsieur Pendril, le frère de mon père a fait passer à Londres ses ordres écrits. Et il vous en a été remis copie. L'avez-vous conservé ?»« Certainement. » »« L'avez-vous sur vous ?»« Je l'ai. » »« Puis-je la voir ?» Mr. Pendril hésita, et de Magdalen son regard se porta vers Miss Garth. De Miss Garth revint ensuite à Magdalen. « Veuillez être assez bonne, dit-il, pour ne pas insister sur cette demande. Il doit vous suffire de savoir à quoi ces instructions aboutissent. Pourquoi vous agiter inutilement en prenant connaissance de leurs textes? Elles sont rédigées en termes si impitoyables, elles révèlent une si abominable insensibilité que je ne puis réellement pas prendre sur moi de les faire passer sous vos yeux. J'apprécie, monsieur Pendril, la bonté qui vous porte à m'épargner une souffrance, mais je suis en état de la supporter. Je m'engage à ne la faire peser ici sur personne. Excusez-moi donc si je renouvelle ma demande. » Elle tendait la main, cette main de vierge, si douce et si blanche, dont rien n'avait encore approché qui pût la souiller ou la durcir. « Oh, Magdalene, réfléchissez, » dit Nora. « Vous faites de la peine, Mr. Pendril, » ajouta Miss Garth. « Vous nous faites à tous une vive peine. » « Il n'y a rien à gagner, » insista l'avocat. « Veuillez m'excuser de m'exprimer ainsi. Absolument rien à gagner à ce que je vous communique ces instructions. » « Les niais, » se disait Mr. Clare. « Ne saurait-il voir qu'elle entend agir à sa guise ?»« Je pense au contraire que cette communication peut être utile, » insista Magdalene. « La décision prise est très grave, plus pour moi que... » Son regard se dirigea vers Mr. Clare, qui, toujours assis, l'étudiait attentivement. Mais elle l'en détourna aussitôt avec les premières marques d'émotion qui lui fussent encore échappées. « Par des raisons particulières, » reprit-elle, « cette décision me frappe tout autrement que ma sœur. Je ne sais rien encore, si ce n'est que le frère de notre père nous enlève toute notre fortune. Pour se conduire ainsi, je dois supposer qu'il a par devers lui quelque puissant motif. Il n'est juste ni pour lui, ni pour nous que ces motifs restent cachés. De propos délibérés, il dépouille Nora, il me dépouille, et je pense que nous avons bien le droit, si nous le désirons, de savoir pourquoi. « Je ne le désire pas, » reprit Nora. « Je le désire, moi, » dit Magdalene, qui de nouveau étendit la main. À ce moment, Mr. Clare se leva et, pour la première fois, se montra disposé à intervenir. « Vous avez sauvegardé vos scrupules, » dit-il, s'adressant à l'avocat. « Reconnaissez maintenant le droit qu'elle invoque. » C'est son droit, après tout, puisqu'elle le réclame. Mr. Pendril tira tranquillement de sa poche les instructions manuscrites. « Je vous ai prévenu, » dit-il, et par-dessus la table, sans une parole de plus, il lui passa les papiers. Un des feuillets étant corné, le manuscrit s'ouvrit naturellement à la page ainsi repliée sur elle-même, lorsque Madeleine tourna pour la première fois les feuillets. « Est-ce là que se trouve ce qui concerne ma sœur et moi ? » demanda-t-elle. Mr. Pendril s'inclina, et Magdalene étala devant elle, sur la table, le manuscrit ouvert, qu'elle aplatit et lissa de la main. « Vous déciderez-vous, Nora ? » demanda-t-elle, se retournant du côté de sa sœur. « Lirai-je ceci tout haut ou seulement pour moi-même ? » « Lisez tout bas, » dit Miss Garth, répondant pour Nora, qui la regardait avec une perplexité, une tristesse muette. « Ce sera comme vous voudrez, » reprit Magdalene. Après cette réponse, elle jeta de nouveau les yeux sur le manuscrit et parcourut les lignes suivantes. « Vous connaissez maintenant mes volontés relativement aux capitaux, comme aussi relativement à la vente des meubles, voitures, chevaux, etc. Le dernier point à régler, sur lequel j'ai à vous donner mes instructions, se rapporte aux personnes qui habitent encore le château et à certaines réclamations déplacées que m'a fait passer, relativement à ces personnes, un avocat nommé Pendril, lequel a sans doute quelques raisons d'intérêt particulier pour intervenir ainsi entre elle et moi. J'apprends que feu mon frère a laissé deux enfants illégitimes, jeunes filles toutes deux et qui sont d'âge à gagner leur vie. L'avocat qui les représente fait valoir en leur faveur diverses considérations, toutes également anormales et inopportunes. Ayez la bonté de lui dire que ni vous ni moi n'avons à nous mêler de questions purement sentimentales. Vous lui expliquerez ensuite nettement, pour sa gouverne, en vertu de quel motif je règle ma conduite et quels sont les secours que je crois pouvoir offrir, en bonne justice, à ces deux jeunes personnes. Les paragraphes suivants vont vous fournir sur ces deux points des instructions suffisamment explicites. Je désire que les personnes intéressées sachent, une fois pour toutes, comment j'envisage les circonstances qui ont fait échoir en mes mains les propriétés de mon frère. Apprenez-leur donc que je regarde ces circonstances comme une intervention du pouvoir d'en haut, qui m'a rendu l'héritage destiné dès le principe à m'appartenir. Je reçois cet avoir, non seulement comme y ayant droit dès l'origine, mais aussi comme une compensation qui m'était due pour l'injustice dont mon père m'avait rendu victime. Je le reçois aussi comme une juste indemnité qui m'est payée par mon frère cadet pour les basses intrigues au moyen desquelles il m'avait fait déshériter. Sa conduite, pendant sa jeunesse, a été constamment en opposition avec tous les devoirs de la vie. Et, d'après ce que je tiens de son propre représentant aux yeux de la loi, cette conduite est restée la même depuis l'époque où j'ai cessé d'avoir avec lui aucune espèce de rapport. Il paraît avoir systématiquement imposé à la société, comme étant sa femme, une personne qu'il n'avait pas épousée. Il paraît encore que par la suite, il a complété, en épousant cette personne, le dommage porté à la moralité publique. Une pareille conduite devait appeler sur sa tête et sur celle de ses enfants les châtiments de la Providence. Je ne crois pas devoir appeler sur ma tête un jugement aussi sévère, en aidant ses enfants à perpétuer le mensonge que leurs parents s'étaient permis et en leur fournissant les moyens de conserver dans le monde une situation qui n'est pas la leur. Qu'elles cherchent du travail et gagnent leur pain comme leur naissance les y condamne. Si elles se montrent disposées à descendre au rang qui leur est dû, je les aiderai à débuter honnêtement dans la vie par un présent de 100 livres sterling à chacune d'elles. Je vous autorise donc à leur payer cette somme sur leur requête personnelle et moyant les reçus nécessaires. Il y sera mentionné expressément que cette transaction, ainsi menée à fin, sera la première et la dernière à négocier entre nous. Je laisse à votre discrétion les arrangements à prendre quand elles quitteront le château, ajoutant seulement que ma décision en cette matière, comme en toute autre, est parfaitement arrêtée, complètement irrévocable. Ligne par ligne, sans quitter une seule fois des yeux les pages étalées devant elle, Magdalène lut, d'un bout à l'autre, ces phrases abominables. Les autres personnes présentes, qui toutes la regardaient avec une attention extrême, voyaient le corsage de sa robe se soulever et retomber de plus en plus vite sous l'action de sa poitrine haletante. Elles voyaient sa main, qui au début soutenait légèrement le manuscrit, se crisper à son insu et froisser les feuillets à mesure que la lecture arrivait à sa fin. Mais elles ne découvrirent aucun autre signe extérieur de ce qui se passait en elle. Il y avait eu dans toute sa personne un changement d'abord imperceptible et muet, changement qui rendit tout à coup ses traits presque nouveaux, même pour sa sœur et Miss Garth, changement que ne devaient pas oublier, de bien des années, les témoins de cette scène étrange, mais que jamais ils n'auraient pu décrire. Les premiers mots que Madeleine articula furent adressés à Mr. Pendrell. « Puis-je vous demander un nouveau service ?» lui dit-elle, « avant que vous ne passiez aux formalités que réclament nos affaires. » Mr. Pendrell répliqua par un geste d'assentiment cérémonieux. L'insistance que Magdalene avait mise à demander que les instructions de Mr. Vanstone lui fussent communiquées ne semblait pas avoir produit une impression favorable sur l'esprit de l'avocat. « Vous nous avez parlé, » continua-t-elle, « de ce que vous aviez eu la bonté de faire dans notre intérêt. » En écrivant pour la première fois à M. Michel Vanstone, vous nous avez dit qu'aucune des circonstances qui nous concernaient n'avait été omise dans votre exposé. Je désirerais, si vous le permettez, savoir, tout à fait au juste, ce qu'il avait pu apprendre sur notre compte. Lorsqu'il a donné ses ordres à son agent, savait-il que mon père avait fait un testament par lequel il nous laissait à ma sœur et à moi toute sa fortune? Il le savait, dit Mr. Pendrell. « Lui avez-vous dit par quelle série de hasards nous nous trouvions ainsi dépouillés de toute ressource ?»« Je lui ai dit que votre père ignorait absolument, à l'époque de son mariage, qu'un nouveau testament était nécessaire. Et qu'un autre testament eût été fait après son entrevue avec Mr. Clare, sans l'effroyable accident qui lui a coûté la vie. Il savait aussi cela. Savait-il encore ce qu'était pour nous deux l'infatigable tendresse, l'inépuisable bonté de mon père? Ici, la voix lui manqua pour la première fois. Elle soupira et porta la main à son front, comme si la pensée lui manquait aussi. Nora lui fit entendre quelques paroles suppliantes, auxquelles Miss Garth s'associa tout aussitôt. Mr. Clare, immobile sur son siège, examinait Magdalene avec une attention toujours croissante. Elle répondit aux remontrances de sa sœur avec un faible sourire. « Je tiendrai ma promesse, » disait-elle. « Je n'entends ici faire de peine à personne. » À ces mots, elle se tourna vers Mr. Pendril et renouvela sa question d'une voix ferme, en modifiant toutefois les expressions dont elle s'était servie. « Mr. Michel Vanstone savait-il que le plus grand souci de mon père était d'assurer le sort de ma sœur ainsi que le mien ?»« Il avait, pour se renseigner à cet égard, les paroles mêmes de votre père. Je lui ai fait passer un extrait de la dernière lettre que celui-ci m'est adressée. Cette lettre, n'est-ce pas celle où il vous suppliait, au nom de Dieu, de venir le trouver sur le champ, pour lui ôter la terrible pensée qu'à ce moment même le sort de ses filles était en suspens? Cette lettre, où se trouvaient ces mots, je ne reposerais pas tranquille au fond de ma tombe si je savais mes enfants déshérités. Cette même lettre, ces mêmes paroles. Elle s'arrêta un instant, les yeux toujours obstinément fixés sur le visage de l'avocat. « J'ai besoin, » dit-elle ensuite, « de bien graver tout cela dans mon esprit avant de continuer. » M. Michel Vanstone a connu l'existence du premier testament. Il a su ce qui avait empêché le second testament d'être rédigé. Il a vu cette lettre, il a lu ses paroles. Et que savait-il encore? Lui avez-vous parlé de la dernière maladie de ma mère? Lui avez-vous dit que sa part dans l'héritage nous eût été infailliblement laissée si elle eût pu, en votre présence, faire un seul mouvement de sa main mourante? Avez-vous tenté de lui faire comprendre à quel point était cruelle cette loi du pays qui tient pour enfant de personne, des jeunes filles dans notre position, et qui lui permet à lui de nous traiter comme il nous traite maintenant? Je lui ai soumis toutes ces considérations. Je les ai toutes mises en pleine lumière. Je n'en ai laissé aucune de côté. Elle étendit lentement la main vers la copie des instructions. Lentement, elle les replia comme elles étaient pliées au moment où on les lui avait remises. « Je vous suis tout à fait obligé, Monsieur Pendril. » Et ces paroles, dites avec un léger mouvement de tête, elle repoussa le manuscrit de l'autre côté de la table, puis, se tournant vers sa sœur, « Nora, » dit-elle, « si nous arrivons toutes deux à la vieillesse, et si jamais il vous arrivait d'oublier tout ce que nous devons à Michel Vanstone, venez me trouver, je vous le rappellerai. » Elle se leva et traversa la pièce pour aller s'accouder à la fenêtre. Comme elle passait devant Mr. Clare, le vieillard étendit ses doigts osseux et par un mouvement imprévu lui saisit le bras. « Que cache ce masque dont vous vous couvrez ? » demanda-t-il, la contraignant à se pencher vers lui et la regardant de près au visage. « De quel degré de température humaine provient ce courage que vous montrez ? Le froid de la mort ou la chaleur poussée au blanc ?» Elle s'écarta de lui et détourna la tête sans prononcer une parole. De tout autre que du père de Franck, elle eût regardé comme une injure cette investigation sans scrupule de ses plus secrètes pensées. Mr. Clare, du reste, lâcha son bras aussi brusquement qu'il s'en était emparé, la laissant poursuivre son chemin vers la fenêtre. « Non, se disait-il, quoi que ce puisse être, ce n'est pas le froid. Et tant pis pour elle, tant pis pour tous ceux à qui elle tient. » Il y eut quelques instants de pause, lacune de silence remplie par le bruit léger de la pluie et le monotone tic-tac du balancier. Mr. Pendril replaça les instructions dans sa poche, réfléchit quelques instants, et s'adressant à Nora et à Miss Garth, rappela leur attention sur les nécessités actuelles et pressantes qui dérivaient de l'état des choses. « Nous avons inutilement prolongé cette conférence, dit-il, par tous ces pénibles retours sur le passé. Mieux vaut s'occuper de régler les arrangements à prendre pour l'avenir. Je suis obligé de rentrer en ville ce soir même. Veuillez me faire savoir, je vous prie, à quoi je suis particulièrement vous être bon. Dites-moi de quel souci, de quelle responsabilité je pourrais vous dégager. » Pour le moment, Nora ni Miss Garth ne parurent en état de lui répondre. La manière dont Magdalen avait reçu ces nouvelles, qui anéantissaient la perspective du mariage arrangé par son père un mois auparavant, les avait étonnés et les remplissait de troubles. Préparée à quelque explosion de douleur ou à l'épreuve, plus rude encore, de voir cet enfant plongé dans un muet désespoir, elle ne s'attendait ni à cette invincible détermination de lire la note de Michel Vanstone, ni aux terribles questions qu'elle avait posées à l'avocat, ni à cette immuable résolution de bien graver en sa mémoire chacune des circonstances dans lesquelles avait été prise la décision du frère de son père. Elle était là, penchée à la fenêtre, mystère impénétrable pour sa sœur, qui jamais ne s'était séparée d'elle, pour l'institutrice qui l'avait élevée dès le berceau. Miss Garth se rappelait ces doutes obscurs qui lui avaient traversé l'esprit lors de sa conversation avec Magdalen dans le jardin. Nora sondait l'avenir du regard, et ce qui ne lui était pas encore arrivé, avec des craintes sérieuses pour le compte de sa sœur. Toutes deux, jusque-là, étaient demeurées passives, ne sachant absolument que faire ni que résoudre. Toutes deux se taisaient, maintenant faute de savoir que dire. Mr. Pendril, toujours patient et bon, leur vint en aide en ramenant pour la seconde fois sur le tapis les plans futurs qu'elle devait adopter. « Je suis fâché, dit-il, de vous contraindre à vous occuper d'affaires lorsque vous êtes si peu en état d'y songer. Mais encore faut-il que je remporte ce soir vos instructions sur ce que je dois faire à Londres. Et d'abord, relativement à cette misérable offre de secours pécuniaire que j'ai déjà dû mentionner. Miss Vanstone cadette, ayant lu les instructions dont j'ai pris copie, n'a aucun besoin que je la renseigne à cet égard. L'aînée voudra bien m'excuser si je lui dis, en toute confusion et parce qu'il le faut absolument, que toute la bonne volonté de M. Michel Vanstone envers les enfants de son frère se borne à offrir pour chacune d'elles un don de 100 livres sterling. » L'indignation fit rougir le visage de Nora. Elle se leva, comme si Michel Vanstone eût été présent et l'eût personnellement insulté. « Je vois, dit l'avocat, disposé à l'épargner, je vois que je puis annoncer votre refus à M. Michel Vanstone. Dites-lui, s'écria-t-elle avec un accent passionné, que réduite à mourir de faim dans quelque fossé, je ne toucherai pas à un denier de cet argent. Dois-je aussi notifier votre refus ? Demanda M. Pendril, s'adressant ensuite à Magdalen. Celle-ci se retourna, le dos à la fenêtre, maintenant son visage abrité en partie derrière un rideau. « Engagez-le de ma part, dit-elle, à bien réfléchir avant de me livrer au hasard de la vie sans autre ressource que ces 100 livres sterling. Je veux lui donner le temps d'y songer. » Et elle articula ces étranges paroles avec une emphase toute particulière et, se replaçant promptement à la croisée, déroba son visage aux regards attentifs des personnes présentes. « Vous refusez l'une et l'autre, » dit Mr. Pendril, crayon en main, et prenant formellement note de la décision. Comme il refermait son portefeuille, il jeta du côté de Magdalen un regard soupçonneux. Elle venait d'éveiller en lui cette méfiance cachée qui est la seconde nature de l'avocat. Il lui trouvait une physionomie suspecte, un langage suspect. Sa sœur paraissait avoir sur elle plus d'influence que Miss Garth. Il résolut de parler secrètement à sa sœur avant de les quitter. Comme cette idée lui traversait le cerveau, une autre question de Magdalen vint solliciter son attention. « Est-il vieux ? » demanda-t-elle tout à coup sans se détourner de la fenêtre. « S'il s'agit de M. Michel Vanstone, il a 75 ou 76 ans. Vous parliez naguère de son fils. En a-t-il d'autres ? Non. A-t-il des filles ? Aucune. Savez-vous ce qu'est sa femme ? Morte il y a bien des années. » Nouvelle pause. « Pourquoi faites-vous toutes ces questions ? » dit Nora. « 1000 pardons, » répliqua Magdalen très posément. « Je ne compte pas en faire d'autres. » Mr. Pendril, pour la troisième fois, revint à la partie essentielle de la conférence. « Il ne faut pas, dit-il, oublier les domestiques. Nous devons régler leurs comptes et les renvoyer. Je leur donnerai, avant de partir, les instructions nécessaires. Quant au château, rien de ce qu'il concerne ne doit vous préoccuper. Les voitures, les chevaux, les meubles, l'argenterie seront simplement laissés dans la maison pour y attendre les ordres ultérieurs de M. Michel Vanstone. Mais il est bien entendu, Miss Vanstone, que tout ce qui vous appartient personnellement, à vous et à votre sœur, vos bijoux, vos toilettes et tous les petits présents que vous pouvez avoir reçus, sont absolument à votre disposition. Quant à l'époque de votre départ, je crois comprendre qu'il s'écoulera un mois, peut-être davantage, avant que Mr. Vanstone puisse quitter Zurich, et je suis sûr que son représentant... Permettez, Monsieur Pendrell, interrompit Nora. D'après ce que vous venez de dire, je dois penser que cette maison et tout ce qu'elle renferme appartient désormais à... Elle s'arrêta, comme si le simple acte de prononcer ce nom lui causait une sorte d'horreur. À Michel Vanstone, dit Mr. Pendrell. Le château passe dans ses mains avec le reste de la propriété. Pour mon compte, alors, je suis décidé à le quitter dès demain. Magdalene tressaillit à la fenêtre au moment où sa sœur parla ainsi, et dans le regard qu'elle jeta sur Miss Claire, on put lire, pour la première fois, quelques symptômes d'alarme et d'anxiété. « Ne vous fâchez pas contre moi, » murmura-t-elle, penchée sur l'épaule du vieillard, avec une physionomie humble tout à coup et une soudaine timidité de manière. « Je ne saurais partir sans avoir revu Frank. »« Vous le verrez, » répondit Miss Claire. « Je suis venu pour causer avec vous de ce qu'il concerne, lorsque la question d'affaires sera vidée. » « Il est tout à fait inutile de hâter votre départ ainsi que vous en avez l'intention, » continua Mr. Pendrell, s'adressant à Nora. « Je puis vous garantir, sans la moindre hésitation, qu'il sera grand temps d'ici à 8 jours. »« Si cette maison appartient à Mr. Michel Vanstone, » répéta Nora, « je suis décidé à la quitter dès demain. » Elle se leva impatiemment de son fauteuil et alla s'asseoir un peu plus loin sur le sofa. Au moment où sa main s'y posait, elle changea de visage. Là, sur ce sofa, étaient les coussins sur lesquels sa mère s'était étendue pour prendre ses derniers instants de repos. Là, au pied de ce sofa, était le fauteuil antique et massif dans lequel son père aimait à s'asseoir les jours de pluie, tandis qu'elle et sa sœur lui jouaient, sur le piano placé vis-à-vis, ses airs de prédilection. Un long soupir, qu'elle essaya vainement de comprimer, sortit de ses lèvres. « Oh, pensait-elle, j'avais oublié ces vieux amis. » Comment nous séparer d'eux, leur venue? Puis-je savoir, Miss Vanstone, si vous et votre sœur avez arrêté quelques plans pour l'avenir? Demanda Mr. Pendrell. Avez-vous idée de l'endroit où vous résiderez? Je me chargerai, monsieur, dit Miss Garth, de répondre pour elle à cette question. Quand je quitterai ce château, elles le quitteront avec moi. Mon sort est leur sort, mon pain est leur pain. Pendant 12 années de bonheur, leurs parents m'ont honoré de leur affection et de leur confiance. Ils ne m'ont pas fait souvenir une seule fois que j'étais une institutrice à leur gage. Je n'ai pu me croire autre chose que leur compagne et leur amie. Je me les rappelle toujours bons et toujours généreux. Ma vie entière, consacrée à leurs enfants orphelins, acquittera peut-être ma dette. Nora se leva aussitôt du sofa. Magdalene, par un mouvement impétueux, quitta la fenêtre. Cette fois, les deux sœurs obéissaient au même mouvement. Leur cœur, cette fois, battait à l'unisson. Le même profond sentiment dictait leurs paroles. Miss Garth attendit que le premier élan d'émotion fût passé, puis elle se leva, et prenant les deux jeunes filles chacune par une main, elle adressa la parole à Mr. Pendrell et à Mr. Clare. Elle s'exprimait avec le plus parfait sang-froid, forte de sa simplicité qui ne lui laissait pas même entrevoir le mérite de sa conduite. Dans un moment comme celui-ci, dit-elle, mon histoire, si insignifiante qu'elle soit, a quelque importance. Je voudrais, messieurs, vous faire bien comprendre que je ne promets pas aux filles de votre vieille amie plus qu'il ne m'est possible de réaliser. Lorsque je suis entré dans ce château, ce fut dans des conditions d'indépendance peu communes pour une institutrice. Plus jeune, je m'étais associé à ma sœur aînée, et nous avions établi à Londres un pensionnat qui avait fini par être nombreux et prospère. Si je renonçais à l'enseignement public pour entrer dans une famille, c'est parce que la lourde responsabilité d'une maîtresse d'institution me semblait dépasser mes forces. J'ai constamment laissé, sans y toucher, ma part dans le bénéfice social, et encore à l'heure qu'il est, j'ai dans l'établissement indivise un intérêt pécuniaire. Telle est, en résumé, mon histoire. Lorsque nous quitterons cette maison, je propose que nous retournions à Londres, dans cette pension que ma sœur aînée fait encore prospérer. Nous pouvons y vivre aussi tranquillement que nous le voudrons, jusqu'au moment où nous ne serons plus en état de supporter l'affliction qui maintenant nous énerve. Si les changements survenus dans la position de Nora et de Magdalene les obligent à gagner de quoi se suffire, je puis les aider à le gagner comme il sied aux filles d'un gentleman. Les meilleures familles du pays sont heureuses de consulter ma sœur dans le choix des personnes chargées d'instruire leurs enfants. et je puis répondre d'avance, comme j'en répondrai pour moi-même, de son zèle à venir en aide aux filles de Mr. Vanstone. Tel est l'avenir que leur offre maintenant ma reconnaissance pour leurs parents et mon affection pour elles-mêmes. Si vous jugez, messieurs, que cette proposition soit opportune et convienne, je lis sur vos visages qu'il en est ainsi, ne nous rendez pas plus pénibles encore les nécessités, si pénibles déjà, de notre situation, par d'inutiles délais qui nous empêcheraient de les aborder immédiatement. Que ce qu'il faut faire soit fait, ainsi que Nora l'a décidé, quittons cette maison dès demain. Vous avez, Monsieur Pendril, parlé tout à l'heure des domestiques. Je suis disposé à les convoquer dans la pièce voisine, et dès qu'il vous plaira, je vous aiderai à régler ce qui leur est dû. » Sans attendre la réponse de l'avocat, sans laisser aux deux sœurs le temps d'apprécier complètement cette situation si pleine d'angoisse, elle marcha immédiatement vers la porte. Son parti était bien pris, et sagement pris, d'aller au-devant de l'épreuve, en faisant beaucoup et en parlant peu. Comme elle quittait le salon, Mr. Clare la suivit, et l'arrêtant sur le seuil. « Il ne m'est jamais arrivé, lui dit le vieillard, de porter envie aux sentiments d'une femme. Peut-être vais-je vous étonner, mais je porte envie aux vôtres. Un instant, j'ai encore quelque chose à dire. Il reste un obstacle. Cet éternel obstacle de Franck. Aidez-moi donc à balayer le terrain. Emmenez avec vous la sœur aînée et l'avocat. Laissez-moi ici avec la cadette. Pour tirer au clair ce qui la concerne, je veux voir de quel métal cette petite fille est faite. » Tandis que Mr. Clare s'adressait ainsi à Miss Garth, Mr. Pendril avait saisi l'occasion d'échanger quelques mots avec Nora. « Avant que je ne retourne en ville, lui dit-il, je voudrais causer avec vous en particulier. D'après ce qui vient de se passer, Miss Vanstone, je me suis fait une haute opinion de votre prudence, et de par la vieille amitié qui m'unissait à votre père, je voudrais prendre la liberté de vous parler au sujet de votre sœur. » Nora n'avait pas eu le temps de répondre lorsqu'elle se vit convoquée, en vertu de la requête de Mr. Clare, à venir régler les comptes des domestiques. Mr. Pendril suivit naturellement Miss Garth. Quand tous les trois furent dans le vestibule, Mr. Clare entra dans le salon, ferma la porte et péremptoirement fit signe à Magdalene de prendre un fauteuil. Elle lui obéit en silence. Il fit une ou deux fois le tour de la pièce, ses mains dans les poches de l'informe paletot, trop long et trop large, qu'il portait habituellement. « Quel âge avez-vous ? » lui dit-il, s'arrêtant tout à coup et lui parlant de l'autre bout du salon. « J'ai eu 18 ans à mon dernier anniversaire, » répondit-elle humblement, sans lever les yeux sur lui. « Pour une fille de 18 ans, vous avez montré beaucoup de courage. Vous en reste-t-il encore ? » Elle prit ses mains l'une dans l'autre et les tordit convulsivement. Quelques larmes lui vinrent aux yeux, et sur ses joues décolorées glissèrent lentement. Je ne puis renoncer à Franck, dit-elle d'une voix faible. Vous ne m'aimez guère, je le sais. Mais vous étiez attaché à mon père. En souvenir de lui, voulez-vous essayer d'être bon pour moi ? Ces derniers mots s'achevèrent dans un murmure. Elle ne pouvait pas en dire plus long. Jamais, comme en ce moment, elle n'avait senti ce pouvoir sans borne que possède l'amour d'une femme, d'absorber en soi-même tout ce qui n'est pas lui, toute autre joie, tout autre chagrin de la vie qu'il domine. Jamais, comme en ce moment, elle n'avait mêlé la pensée de Franck au souvenir des parents qu'elle avait perdus et fait du tout l'objet d'une inexprimable tendresse. Jamais cette impénétrable atmosphère d'illusion à travers laquelle les femmes contemplent l'homme de leur choix, cette atmosphère qui fermait ses yeux à tout ce qu'il y avait de faiblesse, d'égoïsme, de bassesse même dans la nature de Franck, ne l'avait entourée d'une auréole plus brillante que dans cet instant où, devant le père, elle plaidait, pour ainsi dire, sa cause, afin d'obtenir la main du fils. « Oh, n'exigez pas que je renonce à lui, » disait-elle, essayant de reprendre courage et frémissant de la tête aux pieds. L'instant d'après, avec la soudaineté de l'éclair, passant d'une extrémité à l'autre, « Je ne renoncerai pas à lui, » s'écria-t-elle violemment. « 1000 pères le voulussent-ils ? » « Je ne suis qu'un père, » lui dit Mr. Clare, « et je ne vous le demande pas. » Dans le premier ravissement où la jetèrent ces paroles inattendues, elle s'élança, traversa le salon et voulut lui jeter les bras autour du cou. Autant aurait voulu essayer d'ébranler le château sur ses fondements. Il la prit par les épaules et la ramena jusque sur le fauteuil qu'elle venait de quitter. Son regard inexorable pesait, impérieux, sur la jeune fille, et de son maigre index, il semblait la menacer, comme le pédagogue qui veut ramener à l'ordre un enfant rebelle. « C'est Franck, » disait-il, « c'est Franck et non moi qu'il faut câliner ainsi. Je n'en ai pas encore fini avec vous. Il sera temps, quand nos affaires seront faites, d'échanger une poignée de main, si cela peut vous plaire. Demeurez là et calmez-vous. » Il la laissa. Ses mains rentrèrent dans ses vastes poches, et le vieillard reprit, d'un bout à l'autre du salon, sa marche monotone. « Y êtes-vous ? » demanda-t-il, faisant halte après un certain temps. Elle essaya de répondre. « Je vous donne encore 2 minutes, » dit-il, et elle reprit sa promenade avec la régularité d'un balancier. « Voilà pourtant, » se disait-il en lui-même, « voilà pourtant ces êtres auxquels tant d'hommes, d'ailleurs spirituels, livrent le bonheur de leur vie. Y a-t-il dans la création, je le demande, un seul rouage répondant aussi mal que le fait une femme au but dans lequel il est censé fonctionner ? » Il fit encore halte devant elle. La respiration de la jeune fille était moins oppressée. L'animation passagère de son visage allait s'effaçant. « Y êtes-vous ? » répéta-t-il. « Oui, je crois que nous y voilà. Prêtez-moi l'oreille et tâchons de nous expliquer. Je ne vous demande pas de renoncer à Franck. Je vous demande d'attendre. « J'attendrai, » dit-elle, « j'attendrai patiemment et de bon cœur. Obtiendrez-vous de Franck qu'il attende ? Oui. Et le ferez-vous partir pour la Chine ?» La tête de la jeune fille s'abaissa sur sa poitrine et ses mains s'unirent de nouveau, crispées et tremblantes. Mais Stockler vit bien où était la difficulté. Il y marcha droit et sans retard inutile. « Je ne prétends pas approfondir vos sentiments pour Franck ni ceux qu'il vous porte, » dit-il. « Ce sujet n'a pour moi aucun intérêt. Mais je veux établir devant vous de vérités bien simples et bien nettes. Une vérité bien simple, c'est que vous ne pouvez vous marier avant d'avoir l'argent nécessaire pour payer le toit qui vous abrite, les vêtements qui vous couvrent, les aliments qui vous nourrissent. C'est une autre vérité non moins évidente, que vous ne sauriez, vous, où prendre cet argent, que je ne saurais où le prendre moi-même, et que pour l'acquérir, Franck n'a qu'une chance, aller en Chine. » Si je lui ordonne de partir, il ira pleurer dans quelque coin. Si j'insiste, il ne refusera pas. Mais il essayera de me tromper. Si je fais un pas de plus, si je l'accompagne à bord du vaisseau sans le perdre de vue, il se dérobera dans la barque du pilote et s'en reviendra secrètement auprès de vous. Voilà son caractère. « Non, dit Madeleine, ce n'est pas son caractère, c'est l'amour qu'il a pour moi. Appelez cela comme il vous plaira, répliqua Mr. Clare. Mais paresseux ou amoureux, il est, dans l'un ou l'autre rôle, beaucoup trop glissant pour mes doigts. J'aurais beau fermer la porte, je ne l'empêcherai pas de revenir. Si vous la fermez, vous, c'est autre chose. Aurez-vous le courage de la fermer ? L'aimez-vous assez pour ne pas faire ombre à la lumière qui doit le guider ? L'aimer ? Je donnerai ma vie pour lui. Le ferez-vous partir pour la Chine ? Ici, elle soupira profondément. « Ayez quelque pitié de moi, » dit-elle. « J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu tout ce que j'avais, et maintenant, faudra-t-il encore perdre Franck ? Vous n'aimez pas les femmes, je le sais. Tâchez cependant de m'accorder un peu de pitié. Je ne prétends pas nier qu'il faille, dans son intérêt même, l'envoyer en Chine. Je dis seulement que ceci est dur et bien pénible pour moi. » Mais Stockler était resté sourd à ses violences, insensible à ses caresses, aveugle à ses larmes. Mais sous son épaisse enveloppe de philosophie, il avait un cœur, après tout. Et à cet appel désespéré, son cœur répondit. Ses touchantes paroles en avaient trouvé le chemin. « Je ne nie pas non plus, dit-il, que cette alternative ne soit très dure. Je n'ai nulle envie de la rendre plus pénible encore. Je vous demande seulement de faire, dans l'intérêt de Franck, ce que Franck est trop débile pour faire lui-même. Ce n'est pas votre faute, ce n'est pas la mienne. » Mais il n'en est pas moins vrai que la fortune de votre mariage avec lui devait l'investir à passer à d'autres possesseurs. » Elle leva tout à coup ses yeux où scintillait furtivement une lueur étrange, et un sourire menaçant erra sur ses lèvres. « Cette fortune, dit-elle, peut encore changer demain. » Mais Stockler surprit ce changement de physionomie et entendit l'accent de sa voix. Mais les paroles mêmes avaient été articulées très bas, comme si Madeleine se les adressait à elle-même. Et à travers tout le salon, elles n'arrivèrent pas jusqu'à lui. Il s'arrêta pourtant à l'instant même et lui demanda de répéter ce qu'elle venait de dire. « Rien, » répondit-elle, détournant la tête du côté de la fenêtre et regardant machinalement tomber la pluie. « Une pensée qui m'est venue. » Mr. Clare reprit sa promenade et le fil de son discours. « Vous avez, » continua-t-il, « autant d'intérêt que Franck à ce qu'il parte. Il peut, en Chine, gagner assez d'argent pour que votre mariage devienne possible. En Angleterre, il ne le peut pas. S'il reste chez nous, ça sera votre ruine à tous deux. Il fermera les yeux à toute considération de prudence et vous tourmentera pour l'épouser. Puis, ce point gagné, il sera le premier à changer d'idée et à se plaindre du fardeau qu'il se sera mis sur les épaules. Écoutez-moi jusqu'au bout. Vous êtes éprise de Franck. Je n'en suis pas là, moi, et je le connais. Que de fréquentes occasions vous réunissent, qu'il ait le loisir de câliner, pleurer, tourmenter, insister, et je vous garantis bien le résultat de tout ceci, vous l'épouserez. » Il avait touché la corde sensible. Avant qu'il n'eût pu ajouter un mot de plus, cette corde répondit en vibrant. « Vous ne me connaissez pas, » dit-elle avec fermeté. « Vous ne savez pas tout ce que je puis souffrir pour l'amour de Franck. Il ne m'épousera point que je ne sois ce qu'avait annoncé mon père, l'instrument de sa fortune. En se chargeant de moi, il ne se chargera d'aucun fardeau. C'est moi qui vous en réponds. Je veux être le bon ange de la vie de Franck. Je n'irai point à lui, pauvre fils sans dot, pour limiter son avenir et le déclasser. » Elle quitta brusquement son siège, fit quelques pas vers Mr. Clare et s'arrêta au milieu du salon. Ses bras tombèrent affaissés le long de son corps et elle fondit en larmes. « Il partira, » dit-elle. « Mon cœur dut-il se briser dans cet effort. Je lui dirai demain qu'il faut nous séparer. » Mr. Clare, immédiatement, vint au-devant d'elle et lui offrant la main. « Je vous aiderai, » lui dit-il. « Franck saura, mot pour mot, ce qui s'est passé entre nous. Quand il viendra demain, il aura été prévenu d'avance qu'on l'attend pour lui dire adieu. » Elle prit dans ses deux mains la main du vieillard. Hésita un moment, l'interrogea du regard et finit par presser cette main sur sa poitrine. « Avant que vous ne vous retiriez, » lui dit-elle timidement, « oserais-je réclamer de vous une faveur ?» Il voulait dégager sa main, mais elle profitait de ses avantages et la retint plus serrée que jamais. « Supposons, » continua-t-elle, « qu'il survienne quelque changement favorable. Supposons que je puisse m'offrir à Franck, tel que mon père m'avait annoncé à lui. Eh bien, alors ?» Avant qu'elle pût achever sa question, Mr. Clare fit un second effort et dégagea sa main. « Tel que votre père vous avait annoncé à lui ?» répéta-t-il, la regardant avec attention. « Oui, » répondit-elle. « Il arrive parfois d'étranges choses. Si d'étranges choses m'arrivaient, laisseriez-vous Franck revenir avant l'expiration des 5 ans ?» Que signifiaient ces paroles ? Magdalene se cramponnait-elle obstinément à l'espérance de fléchir le cœur de Michel Vanstone ? Mr. Clare ne pouvait tirer une autre conclusion de ce qu'elle venait de lui dire. Au début de leur entrevue, il lui avait brutalement enlevé cette illusion. À la fin de leur entrevue, il la lui laissa par un mouvement de compassion. « Vous espérez contre toute espérance, » lui dit-il. « Espérez pourtant, si cela peut vous donner courage. » En admettant que cette bonne fortune impossible dont vous parlez se réalise jamais, vous n'aurez qu'à m'avertir et Franck reviendra. D'ici là... » D'ici là, interrompit-elle tristement, vous avez ma promesse. Encore une fois, les yeux pénétrants de Mr. Clare étudièrent attentivement le visage de la jeune fille. Je me fie à cette promesse, dit-il. Franck viendra vous voir demain. Elle revint, toute pensive, se jeter dans son fauteuil où elle demeura silencieuse. Mr. Clare gagna la porte sans qu'ils eussent échangé les formules habituelles. Mystérieuse, pensait-il à part lui, jetant sur elle un dernier regard. 18 ans seulement, et trop mystérieuse pour que je la devine. Dans le vestibule, il trouva Nora qui attendait avec anxiété sa sortie pour connaître le résultat de la conversation. « Tout est-il fini ? » demanda-t-elle. « Le voyage de Franck est-il décidé ?»« Prenez bien garde à votre sœur, » dit Mr. Clare, sans tenir aucun compte de ses questions. « Il lui faut lutter contre une grande infortune. Elle n'est pas faite pour la routine ordinaire de l'existence des femmes. Je n'ai pas la prétention de voir clair dans l'issue finale du combat que le bien et le mal se livrent en elle. Je vous avertis seulement que son avenir ne sera pas celui de tout le monde. » Une heure plus tard, Mr. Pendril quitta le château et par le courrier du soir, Miss Garth fit partir une lettre adressée à cette sœur qu'elle avait à Londres.